bar. He's my beautiful bar. He's my yes, my yes, my yes. Without fabulous might. Ce que l'on croit, les mammouths ont le pas très léger, ni trop agile, ni trop maladroit. Ils sont fiers de pouvoir déclarer que, contrairement à ce que l'on dit, les mammouths sont des gars très polis, oui merci. Bien coiffés, les ongles vernis, ils furent ravis quand on leur apprit que. Yeah.

traverser la rue. Passage pour piétons, automobiliste. Frein bloqué à fond, malheur évité. Constat expédié, café du quartier. Une bière, encore une bière, juste une bière. De la bière. Nein, donc je ne veux pas. Une pression? Non, non, sans caleçon. Sinon rien. Comme il se me dit. Une pression? Sans pression. Du café. Ah, s'il vous plaît, oui. Ah, ah non. Ah. J'ai de boire, non? Une bière, encore une bière, juste une bière. Non, merci. Je sais pas, moi, un hamburger. Non. Rolling on the floor.